Quand la nuit me prend par le bras, où m'emmène-t-elle, je ne sais pas, mais j'y suis bien avec toi. Après tout, le temps passe ici avant tout. Prenons le temps d'unir nos voix. Que de mots d'amour pour mon amour, que de mots tendres pour attendre que ces jardins s'ouvrent enfin. À mes yeux, éternel et bleu pour nous deux, la nuit est là pour toi et moi. Envole-moi. Me réveiller à l'aube de nous et murmurer ces mots si doux que murmurent les enfants. Retrouvons l'innocence de nos sens, ces joies si simples de notre enfance. Courir ensemble, unir nos sangs. Assis sur ce banc, je me souviens de cette nuit qui prit la main du cœur dansant de deux amants.